C'est une tuerie tes épinards, c'est toi qui les as fait ? Non. Alors qu'est-ce que c'est le bio pour toi ? Est-ce que c'est juste un mode de production ou est-ce que c'est un mode de vie ? Non, c'est une cohérence. Et alors je me suis dit, j'avais un restaurant, je me faisais chier dans une espèce de fausse convivialité, c'est-à-dire tout le monde arrive en même temps et tout le monde s'en va en même temps, donc t'as pas parlé. Ouais. Et ce qui est important dans la construction de l'humanité, c'est la parole. C'est une tuerie tes épinards. L'émission qui a de la gueule est produite par Radio Éphémère à Toulouse et conçue et animée par le prince des terroirs. L'émission proposée aujourd'hui a pour thème le café. Bon, voilà, je peux vous le dire maintenant, j'ai acheté une cafetière. Voilà. Pas parce que j'aime bien le café, non, pas du tout, non. Non, c'est pour me la péter en fait. Quadels ! Retour historique. Le café s'est diffusé depuis les Balkans. C'est une région carrefour, un lieu privilégié de rencontre entre l'Orient et l'Occident, depuis la Méditerranée et la mer Noire, où ont coexisté durant des siècles les traditions des trois monothéismes. C'est donc dans un contexte de métissage culturel que l'islam a rencontré la chrétienté orientale, puis pénétré l'Occident, et qui a créé sa propre culture autour de cette nouvelle boisson. Excuse me, I'm sorry. Do you mind if I... Of course. You know, I don't think I have a pen. Huh? I just wanted to... What else? Le café est un breuvage. Mais le café, c'est aussi un lieu de sociabilité. Les cafés tiennent leur nom de la boisson que l'on y sert. Et les premiers sont apparus à la Mecque et au Caire. En 1555, deux Syriens ouvrent un café à Constantinople, puis d'autres cafés s'ouvrent à Venise. Florian d'abord en 1720 et le Quadri en 1725 sur la place Saint-Marc. À Vienne, on trouve les cafés Central, Avelka et Hügelmann. À Paris, en France donc, le Procope ouvre en 1784 à Saint-Germain-des-Prés. On peut d'ailleurs toujours s'y rendre aujourd'hui, même si son café n'est pas particulièrement réputé. Et le café Corazza en 1787, au Palais Royal, qui lui, me semble-t-il, a bien disparu. Trois types de cafés se distinguent donc en Europe. Le café allemand, autrichien et français, où on lit le journal. Le café italien, où l'on pratique le jeu de hasard. Le café turc, où l'on fume le narguilé. Et le café hongrois, empruntant un peu à ces trois types de cafés. Je sais, vous allez me dire que je suis en train de faire de la publicité, mais au niveau où ils en sont, c'est plus de la culture que de la publicité. Voilà. Bon. Rien ne vaut d'aller à la rencontre de ceux qui font le café. Et justement, nous allons voir un jeune, un vrai jeune, quelqu'un qui, au-delà de l'histoire, va nous emmener dans sa vision du café d'aujourd'hui et de demain. Guillaume, il a 27 ans. Il est cofondateur de la Brûlerie avec Julie, située au 28 rue des Fulatiers, à deux pas des Carmes. Après quelques échanges, il a accepté de me rencontrer pour parler de la brûlerie qu'ils ont créée, il y a à peine 2 ans, dans une zone qui sent de plus en plus la gastronomie. La spécificité de la boutique, c'est qu'ils vont de la torréfaction du café jusqu'à la préparation des boissons. C'est un peu la tendance. Donc, nous avons créé la Brûlerie des Filatures. Donc, nous sommes deux associés. Donc, mon associé s'appelle Julie. On a tous les deux entre 25 et 30 ans. et on est tous les deux passionnés de bons produits à la base et sur, principalement du café. On est venu de la passion d'un produit vers le métier, donc on a appris l'artisanat en fin d'études en fait. Alors pourquoi le café ? Pourquoi le café ? Produit fascinant, parce qu'on parle d'un café comme d'un vin, et j'ai découvert à l'âge de 16 ans en fait. Et là, le premier torréfacteur que j'ai rencontré m'a montré un métier où sur un même produit, un même terroir, on pouvait changer ses arômes toutes les 20 minutes. En fait, la cuisson et la maîtrise du torréfacteur derrière sa machine en fait, fait la différence sur le produit. Par rapport à ce qui se fait à Toulouse, on va juste dire qu'on fait le même métier que nos confrères. Mais par contre, on a notre âge et on veut assumer un vieux métier avec ses valeurs, mais l'assumer avec nos jeunes âges. On veut mettre en avant en fait, tout l'aspect boisson qui était un petit peu oublié en France. En fait, faire couler une tasse de café reste un métier, il faut utiliser des techniques assez précises. Et du coup, l'association de nos deux métiers, normalement, nous permet d'arriver à un résultat qui est assez correct, voire bon, sur le produit en fait, et une maîtrise du produit, c'est-à-dire du café vert jusqu'à la tasse. Et nous travaillons sur un vieux torréfacteur qui a 35 ans, à gaz. C'est un choix qualitatif à nos yeux. Il y a différents discours à ces propos, mais par contre, nous préférons travailler la torréfaction, petit volume de torréfaction, travailler hebdomadairement tous nos cafés. Donc tous nos cafés sont torréfiés une fois par semaine à la brûlerie. Et après, on a une gamme large, mais pas tant que ça. On vend 12 cafés, en fait, et nous en avons deux à la dégustation, dont un permanent, qui est notre mélange signature, le mélange maison. Nous, notre choix a été d'appliquer un petit peu ces méthodes que l'on a apprises, plus parisienne que sudiste d'ailleurs. Parce qu'il y a des différences de couleurs de torréfaction généralement. Plus on descend dans le sud, plus les teintes de torréfaction sont foncées. Donc nous, on a préféré. Ça a quoi comme incidence sur le goût ? Alors une incidence, on peut pas parler d'incidence, mais c'est un choix de torréfaction et donc un choix d'interprétation du produit. Parce que plus on torréfie, plus on va sur la balance aromatique un petit peu de l'amertume, du côté un peu trop cuit. Et moins on le torréfie, et plus on va vers les torréfactions anglo-saxonnes. Et là, on part sur la balance acide, et c'est ce qui est un petit peu tendance dans le métier aujourd'hui. Nous, on préfère le travailler entre les deux. C'est ce que la couleur, la teinte s'appelle la robe de moine, en fait, qui porte très bien son nom. C'est la couleur de la robe d'un moine. Et du coup, c'est la teinte, on va dire, standardisée du café. Et après, on se permet quelques excentricités sur certains produits pour faire ressortir, enfin décupler certaines notes aromatiques sur quelques cafés. Donc tu dis en fait que plus on va au sud, plus on boit des cafés amers. C'est bien ça. On développe l'amertume d'un produit, mais on peut pas dire qu'il soit plus amer que dans d'autres endroits. Parce qu'après, par exemple, principalement aujourd'hui, sur une clientèle de café, on vend des mélanges 80% Arabica, 20% Robusta ou 85-15. Ouais. Donc l'amertume est forcément présente et apportée par ce pourcentage de Robusta en fait. On a voulu distinguer sur la même boisson, donc une petite tasse de café de 10 centilitres, on a voulu distinguer trois boissons qui nous paraissent différentes, ouais, mais qui ne paraissent pas différentes aux consommateurs. C'est-à-dire que c'est la même boisson avec la même quantité de café, mais réalisée sur trois méthodes différentes. C'est un ristretto qui porte très bien son nom, c'est un café très serré, on va être sur une quinzaine de millilitres. Un espresso italien, c'est l'espresso international, mais chez nous en France, ce sera un café serré. Ouais. On est sur 3 centilitres, donc 30 millilitres. Et l'espresso à la française qui porte très bien son nom, que l'on appelle plus couramment le trois quarts français, en fait, c'est un espresso qui fait 70 millilitres et qui souvent est assez dilué. Après, on garde des méthodes où sur les trois types d'extraction, on va juste chercher l'intensité différente, mais normalement la balance aromatique reste la même, en fait, plus ou moins intense. D'accord. Le but est de ne pas transformer le goût, c'est-à-dire qu'on respecte des temps d'extraction bien précis qui sont identiques sur les trois boissons. Ah, le café, c'est pas simple. De la culture jusqu'à la tasse, il y en a des étapes. Guillaume et Julie de la brûlerie ont choisi de faire la torréfaction et de travailler avec un importateur qui sélectionne les fèves de café. Mais quand on vient chez eux, on voit surtout les différents types de café qu'ils proposent et on a envie de penser, on a vraiment le sentiment que ce sont des baristas, ce terme italien qui désigne la personne derrière le comptoir, qui prépare le café, l'espresso, le macchiato, bref, toutes ces spécialités qui vont donner tant de saveurs et d'odeurs de café. Nous ne nous considérons pas barista, mais torréfacteur, et nous utilisons des méthodes barista. parce que je trouve que la distinction est assez importante. En fait, un barista est un barista et il est là pour valoriser un produit final, et nous on est là pour transformer un produit, et on essaye de le valoriser avec une tasse, mais notre cœur d'activité reste la torréfaction. Et ce qui nous a passionné à la base est la torréfaction. Aujourd'hui on s'amuse de plus en plus avec les techniques barista, et peut-être que dans 3-4 ans on se considérera barista, mais aujourd'hui on se considère avant tout torréfacteur. On va quitter Guillaume et la brûlerie des filatiers pour faire une pause littéraire. Une jeune chroniqueuse, la marquise des Anges, m'a déposé une cassette avec quelques textes qu'elle a enregistrés de sa douce voix. Alors je vous propose d'écouter un premier texte qui m'a semblé être une excellente introduction à la prochaine personne emblématique de Toulouse sur la question du café. Une personne qui est là depuis un bon moment. Suspense. Mais avant, une page de publicité. E come va la perra? Come mi canta la perra? Ah, è bella. Oh, il gringo! Hola, gringo, che tale? Bonjour, mes braves amis peyote. Come vale? Ça va. Il gringo. Allora, il caffè è buono cette année? Il è buono. Per me è. Il lasciamento si buon gringo. Caffè? No, pas assez bon pour Jacques Barre. Comment ça, pas assez bon? Jacques Bave demande le meilleur à la torréfaction. Et quelle torréfaction? Il est bon le café. Il est pas mal, c'est vrai. Comment ça, il est pas mal? Goûte-le mieux. Il est très très bon. Il est très bon le café. Il a un petit goût, il est super. Il est malin le gringo. C'est un connaisseur. Il veut le meilleur. C'est pas pour rien qu'on l'appelle El Gringo. El Gringo, le nouveau café de Jacques Bave. Vous êtes dans l'émission « C'est une tuerie tes épinards ». Dans l'avènement du café, l'historien Jules Michelet attribue au café un rôle primordial dans la Révolution française. Le cabaret est détrôné, l'ignoble cabaret, où sous Louis XIV se roulait la jeunesse entre les tonneaux et les fines. Moins de chants à viner la nuit, moins de grands seigneurs au ruisseau. La boutique élégante de causerie, salon plus que boutique, change, anoblit les mœurs. Le règne du café est celui de la tempérance. Le café, la sobre liqueur puissamment cérébrale, qui tout au contraire des spiritueux augmente la netteté et la lucidité, le café, qui supprime la vague et lourde poésie des fumées d'imagination, qui, du réel bien vu, fait jaillir l'étincelle et l'éclair de la vérité. Le café, anti-érotique, imposant l'alibi du sexe par l'excitation de l'esprit. Les trois âges du café sont ceux de la pensée moderne. Ils marquent les moments solennels du brillant siècle de l'esprit. Le café arabe la prépare, même avant 1700. Ces belles dames que vous voyez dans les modes de Bonnard humer leurs petites tasses, elles y prennent l'arôme du très fin café d'Arabie. Et de quoi causent-elles? Du sérail de Chardin, de la coiffure à la sultane, des mille et une nuits. Elles comparent l'ennui de Versailles à ces paradis d'Orient. Bientôt, entre 1710 et 1720, commence le règne du café indien, abondant, populaire, relativement bon marché. Bourbon, notre île indienne où le café est transplanté, a tout à coup un bonheur inouï. Ce café de terre volcanique fait l'explosion de la Régence et de l'esprit nouveau. La lave de Bourbon, pas plus que le sable arabique, ne suffisait à la production. Le régent le sentit et fit transporter le café dans les puissantes terres de nos Antilles. Deux arbustes du jardin du roi, portés par le chevalier de Clieux, avec le soin, l'amour religieux d'un homme qui sentait porter une révolution, arrivèrent à la Martinique. Et réussirent si bien que cette île bientôt en envoie par an 10 millions de livres. Ce fort café, celui de Saint-Domingue, plein, corsé, nourrissant aussi bien qu'excitant, a nourri l'âge adulte du siècle, l'âge fort de l'encyclopédie. Il fut bu par Buffon, par Diderot, Rousseau, ajouta sa chaleur aux âmes chaleureuses, sa lumière à la vue perçante des prophètes assemblés dans l'antre du café Procope, qui virent au fond du noir breuvage le futur rayon de 1789. Ah, un beau texte de Michelet sur le café et son impact sur la Révolution. C'est pas extraordinaire? Maintenant, on va plutôt aller dans une petite rue, la rue du Coq d'Inde, dans un bar qui est connu de certains Toulousains, vieux Toulousains et même jeunes Toulousains, qui l'a depuis plus de 30 ans, qui s'appelle le Nabucodonosor. Pourquoi y aller? Pourquoi y parler de café? Parce que lors d'une dégustation là-bas, lors d'une balade, j'ai découvert la machine à café, une vieille machine à café à gaz, telle qu'on n'en voit plus nulle part. Et pour connaître un petit peu le Roland Castagnier, son fondateur, j'ai pensé que cette petite balade pourrait nous apporter quelques pépites. Donc on va aller à la rencontre de Roland et on va découvrir sa philosophie du bistrot et bien sûr sa vision du café. À cette époque-là, donc les radios libres. Le Nabucodonosor, il se crée donc il y a un peu plus de 35 ans sur la base du bistrot à vin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir goûter à Toulouse, dans un bistrot, un lieu public, si tu veux, n'importe quel vin de la France. Ouais. Donc j'avais quadrillé à peu près, on va dire qu'il y avait une trentaine de vins pour toute la France. Il y avait, c'était d'une certaine façon une décentralisation, puisqu'il n'y avait qu'à Paris qui avait ce type d'endroit de bistrot qui avait été créé par des collègues à moi, des Auvergnats. Mmh. Moi je suis un peu Auvergnat. Et alors je me suis dit, j'avais un restaurant, je me faisais chier dans une espèce de fausse convivialité, c'est-à-dire tout le monde arrive en même temps et tout le monde s'en va en même temps, donc t'as pas parlé. Ouais. Et ce qui est important dans la construction de l'humanité, c'est la parole. Et je me suis dit, on va monter ce petit bistrot à vin, mais peut-être il y aura nécessité, si on fait des tartines, il y avait des tartines de rillettes, de canard, etc. Mais l'intérêt, c'était de proposer un bon café, mais dans une idée peut-être un peu originale, et je venais d'hériter un peu par hasard, de mon père, un torréfacteur. Ouais. Donc, je monte ce torréfacteur, il était sur un truc, je le monte là-haut, sous les toits, je l'allume, ça te fout un feu, tout le monde appelle les pompiers, un bordel, parce que comme je suis extrêmement pipelette, je parlais avec son frère, je parlais avec n'importe qui, puis tout d'un coup, les mecs qui me disaient, putain, là-haut, il y a de la fumée au feu, je dis, c'était mon torréfacteur que j'avais oublié, parce qu'il tournait automatiquement. Alors j'ai tout démonté, mon père avait fabriqué un truc automatique, c'était un inventeur, et moi je suis un désembouteur, j'ai tout enlevé et je l'ai remis à la main, comme il était, tac, tac, tac, tac. Je viens de griller du café. Le café, donc, tu sais à peu près ce que c'est. C'est une grosse cabosse. On tire les graines de la cabosse et on les fait fermenter. Et après la fermentation, il y a la phase. Donc, je le reçois vert des ports caféiers donc de. T'as un fournisseur particulier. De France. Donc, il y a deux régions, deux villes, si tu veux, qui sont vraiment des importations de café. C'est Le Havre et c'est Bordeaux. Voilà. Alors je le prends soit au Havre, soit à Bordeaux. C'est souvent des boîtes qui sont dispatchées sur les deux en fonction du cru que j'ai choisi. Ouais, et la CGIC notamment, que tu connais, tu vois, c'est au nord de Bordeaux. Et donc je vais choisir un cru de café comme on pourrait choisir un cru de Bordeaux. Mmh. Tu vois, finalement, on peut choisir. Et ça, c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est la notion, si tu veux, que j'ai développée un petit peu dans le vin, c'est que le vin, il reflète l'endroit, la terre. Mmh. C'est-à-dire quand tu bois du vin, tu bois de la terre. Tu bois de la terre. À travers. Ouais, mais le mot terroir, ça vient de la terre, c'est-à-dire du sol et du sous-sol. Et de la sous-terre, c'est plus intéressant. D'ailleurs, la véritable identité, elle est plutôt dans le sous-sol que dans le sol. Voilà. Alors, voilà l'identité. Il se trouve que c'est, si jamais, comme moi, j'avais un torréfacteur, si tu veux, que j'avais hérité du papa, je me suis dit, je vais faire la même chose pour le vin que pour le café. Avec le café, je vais faire la même chose que dans le vin, quoi, finalement. C'est-à-dire proposer des terroirs de lit, de là. Par exemple, là aujourd'hui, c'est 5 kilos, tu vois. Mmh. D'accord. J'ai un 5 kilos, ouais. Et alors j'ai appris à torréfier. T'as appris avec quelqu'un ou... Ah, mais j'ai appris avec la grande école du Havre. C'est-à-dire une bande de très très grands torréfacteurs. Je vais pas peut-être retrouver leur nom, Vanier. Voilà, ils s'appellent Vanier, V-A-N-I-E-R. Ouais. Donc la famille Vanier, c'est des grands torréfacteurs. Ils ont créé l'école de torréfaction au Havre. Il y a des gens qui vont faire un stage, etc. Moi, je l'ai fait par téléphone. À l'époque, je leur prenais, quand j'avais un restaurant là-bas, je leur prenais le café à eux. Et je parlais avec eux de torréfaction. Ils m'ont envoyé un livre qu'ils avaient écrit sur la torréfaction du café, qui m'a bien aidé à démarrer les premières torréfactions, puisque les premières, en réalité, je les avais commencées au petit bistrot que j'avais avant le restaurant. Avant le restaurant, avant le bistrot. Voilà. Je me fais des nœuds dans la biographie. Alors, le café, la même idée que pour le pinard, le terroir. Donc tu changes un peu régulièrement, j'ai changé ici, si tu veux, en 35 ans. Ouais. On a goûté les cafés du monde entier. Ouais. Partout où il y a du café, je peux dire que je connais à peu près le goût du café. L'emmerdant, si tu veux. L'emmerdant, c'est que je ne suis pas professionnel et que je suis très rêveur. Il ne faut pas être rêveur quand on torréfie. Ouais. Et moi, je suis rêveur. Je suis du signe du poisson et c'est pas rare que les pompiers arrivent, si tu veux, me défoncent la porte. Ça me coûte de leur payer un coup de blanc ou un coup de café et ça me coûte. Mais je te jure, je suis un peu branleur. Quoi. Et alors, je suis un branleur au point que c'est à la fin des fois du sac de 70 kilos, les 5 derniers kilos, que je trouve la bonne mesure, la bonne chauffe, ce qu'on appelle la bonne chauffe. Et je sais faire varier, donc je varie les températures. C'est très subtil, c'est compliqué, c'est donc très intéressant. Si tu veux, il y a des gens qui grillent le café d'une manière extrêmement simple. Tu vas chez n'importe qui, quand c'est noir, c'est cuit, quoi. Tu vois, ils n'ont qu'une morale. C'est noir, c'est cuit. Voilà, la torréfaction brune. Alors que nous avons des nuances, tu vois, entre le blond, la robe de moine, comme ils appellent. La robe de moine, ça c'est à Bordeaux qu'on appelle la robe de moine. Après, il y a les torréfactions allemandes, de type allemande, qui sont très très blondes, le type hambourgeois, etc. Alors voilà, ils aiment la bière blonde, ils aiment les femmes blondes, t'as raison. Et ils aiment le café blond. Tu vois, c'est pas étonnant. Les Danois aussi, t'as vu? Ouais, putain, c'est drôle. Alors moi, je vais le varier, si tu veux. Là, je l'ai fait brun. Je l'ai fait plutôt robe de moine, entre robe de moine et brun, parce qu'on rentre dans l'hiver. Il fait froid, ça caille. Il faut que le café, il soit un peu plus pêcheux. Il développe moins d'arômes, si tu veux, floraux, fruités floraux. Mais par contre, il va développer plus de tanins, plus d'amertume, hein, tu vois. Pour le chaud, on va développer, quand je fais des torréfactions d'été, si je ne ferme pas, souvent je ferme l'été, ouais. Mais si je ne ferme pas l'été, c'est-à-dire au mois de juin, au mois de mai, au mois de juin, je vais attaquer des torréfactions blondes, tu vois, qui laissent passer que les... Alors c'est très subtil, par exemple, le café que j'ai, si je le réussis, il sent la violette, c'est magnifique, une odeur de violette, et j'en pleure, j'en ai un orgasme, quoi, pratiquement. Quand j'arrive, quand je réussis. Puis quand je le rate, comme là, j'estime l'avoir raté, je me pends. Et oui, il n'y a pas de solution. Donc je me pends ou j'ai un orgasme. Voilà. C'est assez extrême quand même. C'est assez extrême, mais je suis aussi un petit peu du milieu. La balle au centre, je sais faire aussi. Oui, alors l'histoire de la machine. Je vais chez Ruiz, je vais chez le marchand, ouais. Il y a 30 ans, donc quand FMR se montait moi-même, ouais. Quand nous montons, en ménage, je vais chez le marchand, deux machines à café. Ruiz, il était route de Blagnac, tu vois, donc la partie de Toulousaine vers Blagnac. En allant vers Blagnac, je vois dans l'annuaire. Le truc tout comme, machine à café, j'appelle pas, j'y vais, brrr, bonjour monsieur, je voudrais une machine à café, et pam, oh putain, et je regarde ça, c'était une machine qui venait de récupérer une très très vieille machine qu'une mamie lui avait donnée, et il dit, vous me donnerez une machine moderne en formica, dégueulasse, laide, comme elles étaient à l'époque, tu sais, il y a 35 ans, mais c'était la modernité, un bar comme ça, c'est pareil, tu vois, il fallait une harmonie, quoi, entre ce vieux bar qui venait de récupérer, pareil, chez le marchand de bar, il venait de le récupérer pour mettre un bar en formica moderne. Et de suite, j'ai fait le truc, parce que j'avais l'idée, si tu veux, du bistrot à vin, mais du bistrot d'autrefois, de vieilles... Et puis comme c'était le dernier bar qui se montait, le bar le plus neuf qui se montait, il fallait qu'il ait l'air vieux, tu vois, c'est une espèce de tromperie, on va dire, tu vois. Et alors, les idiots visuels que nous sommes, que nous avons développés, cette belle civilisation des idiots visuels, a fait que tout le monde qui rentrait dit « Putain, ce vieux bar, mais moi, j'y venais pendant la guerre, il me racontait la guerre 14-18, il venait, et ça venait d'ouvrir, ça a ouvert quand en fait, ça a ouvert hier. Oh merde, quoi. Ça avait ouvert hier, mais ça avait l'air d'un bar de 1920. Ça, c'est 1920, et la machine aussi, à peu près. On va dire qu'elle est de la guerre. Alors ça, c'est une machine qui est fabriquée en Italie par le groupe Gaggia, qui a été... la première machine à café à piston. D'accord. Voilà. Donc, à pression, pour faire le café chez toi, tu enlèves une chaussette, ou si c'est le matin, tu ne l'as pas encore mise. Tu prends ta chaussette, tu mets la poudre à café dans ta chaussette et tu verses l'eau dans ta chaussette. Ouais. Ça s'appelle le café chaussette, le café filtre. On a mis du papier maintenant, des chaussettes en papier en fait. Mm. Mais la chaussette, la vieille chaussette est quand même de la semaine. La chaussette est portée quoi. Voilà, là, celle-là elle est mieux. Toute la semaine. Ça porte des arômes. Chaussette porteuse d'arômes. Porteuse d'arômes. Ouais. Et voilà. Alors il y a ça si tu veux, c'est-à-dire que ça veut dire que sur le plan physique si tu veux, parce que j'oublie pas que j'ai été prof, donc le vieux prof de bio que j'étais, il va te refaire la leçon. Ah. Alors qu'est-ce qui se passe? Percolare. Percolare, c'est de l'italien pour couler. Et ça a donné en français percolation. Percolation, l'origine, c'est percolare. Mmh. Percolare, j'essaie de le dire avec l'accent italien. Percolare, c'est l'eau qui passe à travers. Passer à travers. Mais ça passe à travers à la pression atmosphérique, c'est-à-dire, elle dépend tous les jours, dans ta chaussette, on est bien d'accord, c'est-à-dire ça coule avec la pression atmosphérique, la machine à piston, mais ça accélère la pression, hein, donc on va monter en pression, la pression est réglable, si tu veux, sur cette machine, en réglant des petits boutons, tu règles ta pression en fonction donc, du café que tu veux faire, de la finesse de poudre que tu veux faire, tu règles ta finesse de poudre, tu vas le faire un peu plus fin, un peu plus gros, selon que tu veux de l'amertume ou plutôt du fruit, si tu veux du fruit, tu vas le faire un peu plus gros, si tu veux de l'amertume, tu vas le faire un peu plus petit, donc il y a tout un art, par exemple, une fois que tu as torréfié, donc torréfié c'est très difficile, ça je vais t'en parler un peu, et après, une fois que tu as torréfié, il faut le moudre, c'est difficile aussi. C'est difficile aussi. Oui, enfin, tout est difficile. Voilà, qui est d'époque. Voilà, d'époque voilà. Aussi. Ouais. Voilà, voilà. Et après, le passer dans cette machine à piston qui est toute simple, tu baisses la manette, l'eau rentre et tu relâches le piston, appuie. Elle est très très simple et tu vois du dehors ce qu'il se passe dedans dans les nouvelles machines qui sont pareilles que ça. Tu ne le vois pas. Il n'y a pas cette visualité, le visuel, si tu veux, de la pression qui monte et qui redescend. C'est juste un petit peu. Moi, je la trouve belle. C'est une belle machine. Ouais. C'est dommage qu'on ne soit pas à la télé. Hein, bande de cons, regardez la télé. Alors, la torréfaction. La torréfaction, c'est difficile. Ouais. On attaque doucement, on attaque le feu, on va monter en progression jusqu'à vers 220-250 degrés, et là on va attendre sur un premier palier de chauffe, on va attendre de sentir, si tu veux, l'arôme de pain grillé, la croûte du pain grillé, tu vois. Ça c'est un repère que tu ne peux pas mesurer, qu'il te faut sentir. Quand je suis enrhumé, je ne te réfie pas. Les mecs ils vont boire un café en face. Là, il n'y a pas de souci, en face, c'est grillé par des machines, ce n'est pas des machines qui sentent. Quand l'homme torréfie le café, l'avantage, si tu veux, c'est qu'il va arrêter, une fois qu'on a atteint ce seuil, si tu veux, de pain grillé, de croûte, tu vois, de la croûte du pain, tu redescends, et là, tu vas homogénéiser, tu vas finir, tu vas faire une première chute de torréfaction où tous les grains vont trouver, les plus petits vont rattraper les plus gros, etc. Ça va s'homogénéiser. Après, tu vas remonter en température. Et là, tu vas attaquer une série, si tu veux, de changements de couleur. C'est-à-dire que la couleur qui est incolore au départ, eh bien, elle devient colorée, elle devient blanche un petit peu. Et elle prend une odeur. Alors, quand tu arrives à une certaine torréfaction, tu as le grain qui libère tout d'un coup, si tu veux, une espèce de gaz. Un gaz, bon, c'est du gaz carbonique, je suppose, mais ce gaz carbonique se libère violemment. Et là, il faut bien surveiller de faire rebaisser la température et arrêter juste au moment, pourvu qu'il n'y ait pas le facteur qui arrive. Merde, j'ai raté la... Alors, il tape à la porte et voilà, tu m'as fait rater la... Vite, je tire le café et je le sors du torréfacteur. Moi, j'ai un café, tu as un pur arabica, tu as bien compris. Ouais. Il y a deux variétés de café. Robusta et arabica. Robusta et arabica. Il y a l'arabusta, c'est un métis, ouais, mais très peu répandu. Donc, l'arabica, comme son nom l'indique, il vient d'Arabie. Et le robusta, il vient d'Afrique, mais d'Afrique, Côte d'Ivoire, etc. Il a des petits grains, il est assez méchant, il est très violent, il contient au moins trois fois plus de caféine, si tu veux, que l'arabica. Il est beaucoup moins parfumé. C'est le café que l'on incorpore, si tu veux, dans tous les paquets de café familiaux et tout ça, il y a une proportion de Robusta, qui est le café qui est deux ou trois fois moins cher que l'Arabica. Mmh. Ici, comme c'est un bar de luxe et que je fais le café à 1 €, il ne faut pas le répéter, bon, je sers un café de luxe. Le Mocha Sidamo que je sers, pour moi, il est très hétérogène, ce qu'il y a de rigolo aussi, on peut le regarder, c'est très intéressant, on peut le regarder grillé ou cru, ou vert, donc je peux te le monter cru ou cuit, ici tu as le café cru, café cuit, c'est qu'il y a des gros grains qui ressemblent à l'arabica tel qu'il a été plus ou moins sélectionné génétiquement, et il y en a des petits, tout petits, qui sont ronds, on dirait, alors il y en a, ils sont longs comme des fèves, il y en a, ils sont petits comme des petits pois, et il est hétérogène. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a là ce qu'on appelle en biologie le café population. Le café population, c'est comme nous, si tu veux, quand on prend une essence de plante ou une essence d'homme ou d'animaux, à la naissance. À la naissance, il y a tous les caractères qui sont différents. C'est très différent. Et petit à petit, c'est la sélection de l'homme qui a fait que on sélectionne les poireaux de Hambourg, ils sont tous pareils, les poireaux de Hambourg, la salade de Venise, elle est comme ça, c'est-à-dire qu'on a créé, l'homme a créé, dans ses différences, pour s'y retrouver, des espèces de sélection, il a sélectionné dans la grande variabilité de la nature, si tu veux, il a sélectionné telle espèce, et il l'a reproduit à l'identique. Voilà ce qui se passe. Voilà, c'était Roland Castagnier du Nabucodonosor, un bar-restaurant bien dans son jus, hein, vous avez pu un peu entendre ce que ça pouvait vouloir dire, qui est situé au 15 rue du Coq d'Inde, donc en plein centre-ville, à côté de la place de la Trinité, derrière Esquirol. Maintenant, prenons un petit moment musical, avec une chanson de Brigitte Fontaine, qui s'appelle « La maison du café ». Chacun n'est autre que l'amour, malgré les apparences et malgré les détours, autant le reconnaître et sans plus résister, accepter de quitter la maison du café, ne plus passer le temps à peigner la girafe, à pêcher des mégots, à rester en carafe, se beurrer le bonnet et claquer des nénés, plutôt abandonner la maison du café, renoncer au charme de la peur, renoncez maintenant aux attraits du malheur, renoncez aux douceurs du cachot familier, oubliez maintenant la maison du café, maison du café, laisse-nous passer, bouillu le café, foutu le café, laisse-nous passer, maison du café. À ce trou de malheur, à ce bunker pourri, ce musée des horreurs, daignez abandonner la rue du Chaminé. Sont brûlés et les plafonds s'écroulent, les tuyaux sont bouchés, la cuisinière est saoule, un cardinal chinois est en train de coucher, il est temps de quitter la maison du café, si le but malgré les apparences et malgré les détours, plus se gêner, se hâter d'éviter la maison du café. Maison du café, laisse-nous passer. Bouillis le café, fous-tu le café. Laisse-nous passer, maison du café. En 2001, Dominique Bouchet, chef des cuisines de l'hôtel du Crillon à Paris, décide d'associer quelques crus de café, proposant par exemple un filet de barre rôti au verjus et pousses d'épinards avec un mocha sidamo d'Éthiopie, ou bien des châtaignes des mers à la gelée de caviar et fondant de fenouil avec un Guatemala Antigua. Il est alors de bon goût de terminer son repas avec un cappuccino. Et puis plus près de nous, aujourd'hui, Hippolyte Courty, de l'Arbre à Café, travaille avec Sophie Pic, du restaurant Pic, fameux à Valence, réalisant des associations, notamment, entre l'huître et des grands crus de café. Voilà, tout ça pour dire que le café aujourd'hui rentre dans la cuisine. Et donc on est allé voir un jeune homme qui a ouvert son restaurant, la Table de William. Avant, il travaillait directement chez lui. Il travaille maintenant dans un nouveau lieu, tout à côté de Sainte-Agne. Un restaurant magnifique. Et il a une petite recette à nous transmettre. Donc on va aller le rejoindre dans son restaurant. Et on va l'écouter, nous donner quelques éléments pour nous aussi cuisiner le café. Voilà, j'ai créé une recette qui un roulé de lobe de foie gras avec du café, enfin avec du chocolat et ce roulé là donc on étale. Alors si je parle de la recette, on étale le lobe de foie gras au rouleau à pâtisserie entre. On prend un foie gras. Un foie gras cru et voilà un lobe qui fait entre 400 et 500 grammes. Alors ça, on le fait plutôt en entrée. C'est plutôt une entrée et c'est plutôt pour 4 personnes. Voilà. 4-5 personnes. On prend du café moulu et puis il faut des grains de café qu'on va concasser comme du poivre mignonnette, là, qu'on va concasser en petits morceaux. Mais la première étape, donc, c'est qu'on étale son lobe de café, son lobe de foie gras, pardon, entre deux pattes de feuilles de papier sulfurisées. Donc on l'étale bien, ça doit faire une petite couche de entre 5 et 7 mm. Ensuite, on fait fondre du chocolat noir, plutôt du 70-72% de cacao. Donc voilà, donc ce chocolat on le fait fondre. On l'étale sur le lobe de foie gras qui a été lui-même étalé. Ensuite, on met ça au frigo une petite demi-heure. Et ensuite, quand ça s'est refroidi, on roule, on fait un roulé donc du lobe et du chocolat. Et ça, on va le mettre dans un torchon propre. On va l'enrouler dans un torchon propre, ficelé des deux côtés et le faire cuire dans du café. Enfin, dans un bouillon de café, voilà. Auquel on peut rajouter d'autres graines, enfin ce qu'on veut. Bon, voilà, de la cardamone, l'anis étoilé, ça peut fonctionner aussi, mais il faut qu'il y ait une dominante de café. Donc on fait un café à la machine à piston et après on peut utiliser n'importe quel café. Il y en a même qui m'ont dit, mais tiens, on pourrait utiliser du café lyophilisé pour faire ça. Mais enfin bon, vaut mieux prendre un bon café à la machine à piston et voilà. Et donc on le fait cuire, alors j'ai plus exactement la durée en tête, mais je vous enverrai par mail la recette exacte. Mais je pense que c'est à peu près une petite heure à frémissement, vraiment à frémissement. Faut pas qu'il y ait un gros bouillon. Donc on va faire une cuisson du foie gras. Ensuite, donc toujours enroulé dans son torchon. D'accord. Donc on le torchon, on l'oublie. Quoi. Ah bah ça après. Bon après oui effectivement on oublie le torchon. Il est pas forcément récupérable. Enfin bon. Et donc on le sort Donc le, là, ça se sera réduit, c'est tout mou à l'intérieur du torchon, mais il faut vraiment le sortir délicatement, le poser délicatement, attendre qu'il refroidisse voilà, à température ambiante, et ensuite le mettre au frigo. On le met au frigo pendant au minimum 2 à 3 heures, le temps que ça refroidisse bien. Après, on peut le sortir, enlever le torchon. Et là, on peut prendre le café qu'on cassé et entourer le rouleau de foie gras chocolat avec avec ces grains de café. Il faut pas en mettre, faut pas que ça soit complètement recouvert, faut que ça soit parsemé, parce que ça prend un petit peu de temps pour la faire, mais il y a rien de compliqué. Il faut avoir des bons ingrédients. Enfin, c'est comme tout, hein, une recette, c'est 50% de la réussite de la recette, c'est les ingrédients. Merci William. Donc la table de William, elle est ouverte. Elle est ouverte du lundi au vendredi midi et les jeudis et vendredis soirs. L'adresse, c'est au 90 de la rue Saint-Roch. Donc c'est dans le quartier Saint-Agne-Rangueil. Voilà, c'était la table de William. Un jeune cuisinier qui donc se permet certaines recettes un petit peu fantasques sur le café et le foie gras. L'émission arrive à son terme. J'espère que vous avez aimé ce voyage au pays du café à Toulouse. Et je remercie tout particulièrement pour ce reportage l'ensemble des personnes qui m'ont reçu. Guillaume, Roland et William. Et bien entendu, je remercie mes chroniqueurs préférés qui m'ont apporté des éléments d'information complémentaires fort utiles. Fameux ce café Maurice. Ah, et qu'est-ce qu'il a fait Maurice? Mais je vous ai pas parlé de Maurice. Ah, si, vous m'avez dit que ce qu'avait fait Maurice était fameux. Non, je vous ai dit fameux ce café Maurice. Ah, pardon Léon. Je m'appelle pas Léon. Je m'appelle pas Maurice. Je sais, vous appelez Robert. Alors de qui parlez-vous? De ce café. Des fameux. Bah c'est normal, c'est un café Maurice. Bah tiens, donnez-moi une autre tasse. Pourquoi elle est sale? Non, mais elle est vide. Alors dans ce cas, prenez un autre café. Ah non, je ne veux pas un autre café. Je veux un café Maurice. Vos désirs sont des ordres. Maurice, un prénom? Maurice, un café. Un fameux café.